Vocapi Polo Dôme de Paris, Palais des Sports, pour 10 représentations exceptionnelles à partir du 20 décembre, avec RTL. Optique 2000, pour moi les meilleurs opticiens. Aurore Kolodka, en Dernos-les-Bains, en Gironde, nous dit pourquoi. Les conseils, le professionnalisme, il y a une analyse en fait de l'ordonnance par rapport aux besoins du patient. En plus, j'ai toujours un devis auquel ils se tiennent et un petit livret qui m'est fourni avec le certificat d'authenticité de mes verres. On récupère notre petit dossier qu'on nous a fourni chez Optique 2000. Ça nous permet de voir où on en est exactement. Aurélia Lurine, l'opticienne Optique 2000 de Madame Kolodka à Andernos-les-Bains. Pour nous, l'important, c'est d'analyser avec notre client ses différents besoins et de lui proposer un équipement qui corresponde à ses besoins esthétiques et techniques et à son budget. Et Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, donc nous traitons tout pour nos clients. Alors Madame Kolodka, contente d'Optique 2000? Très contente, et ils ont tout géré pour moi, c'était parfait. Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous. Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien. RTL. On a tellement de choses à se dire. Yaorana, bonjour et bienvenue à bord du vol Air Tahiti Nuit à destination de Tahiti. Le personnel polynésien sera vous faire profiter du confort et du service à bord avec hospitalité et générosité. Découvrez l'ensemble des services exclusifs Air Tahiti Nuit sur airtahitinuit.com. Merci à toute l'équipe, je crois qu'il est grand temps de retrouver Julien Courbet. Eh bien, comment ça va? Formidablement. Voilà, il y a Maître de Comon qui est là, donc il y a un problème de PV, de radar, il est à votre disposition. Oh bah, mais ça, c'est pas votre genre, hein. Vous respectez non, les... Je ne peux pas dire non plus que je sois un ange, pour dire les choses tout à fait, clairement. C'est pas parce que vous prenez tous les matins pour gagner un peu de temps l'autoroute à contresens sur 7 km, ce qui vous éviterait de faire un détour de 3 heures. Oui, mais seulement quand j'ai bu un coup. Ah ben ça c'est clair. Sinon je le ferais pas. En téléphonant d'une main. Bien sûr. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bonne émission, Julien. Ciao, ciao. C'est parti. Voici les missions que vous nous avez lancées ce matin, notamment celle de Caroline. Je vous appelle du Bas-Rhin. Je suis victime d'usurpation de plaques d'immatriculation. On me réclame 960 euros et on me menace de saisie sur salaire pour des infractions commises à 500 km de chez moi. Et quand on est piégé comme ça par la machine administrative, vous allez voir que c'est la galère pour arriver à s'en sortir. Et pendant ce temps-là, les huissiers font leur travail, les menaces ont lieu. Il y aura le cas de James. J'ai acheté une voiture d'occasion à ma fille. Je l'ai payée 6490 euros. Dès le début, il y a eu un problème de démarrage et depuis, on a appris que le moteur, les 4 injecteurs, le turbocompresseur et le kit volant moteur sont à changer. Il y en a pour 12 000 euros de réparation. Les mêmes pannes que sur Hervé Pouchol. Nous allons maintenant vous présenter ceux qui vont régler les problèmes. Il y a le grand Maître de Comon, l'avocat spécialisé PV Radar, le meilleur en France. Merci Julien, bonjour à toutes et à tous. Il y a Maître Félonneau qui est avec vous. Bonjour Julien. Hervé Pouchol. Bonjour. Toutes les équipes d'Alain Hazard, Charlotte, Céline JB, c'est Xavier Kassovitch qui réalise. Merci d'écouter le 9h30, 11h. Pour nous joindre à n'importe quel moment en direct, c'est le 3210. 50 centimes d'euros la minute. Ou bien le Facebook, c'est gratuit, la page ça peut vous arriver. Ou gratuit aussi, rtl.fr, rubrique ça peut vous arriver. Si tu t'es fait arnaquer, pas la peine de paniquer. Faut appeler Julien Courbet. Tenter une médiation avant d'aller encombrer les tribunaux, c'est le but de cette émission. Et Caroline nous appelle. Elle nous appelle d'où, Caroline? Elle vous appelle de Haguenau. Alors, Caroline d'Haguenau, racontez haut et fort ce qui vous arrive aux auditeurs d'RTL. Alors déjà, bonjour Julien, bonjour, et bonjour Caroline. À toute l'équipe, et merci d'essayer de m'aider parce que c'est vraiment une grosse galère. Donc j'ai acheté une voiture au mois de février, à laquelle la préfecture a attribué un numéro d'immatriculation provisoire, sauf ce numéro avait déjà été affecté auparavant à une autre personne, qui elle ne s'est pas mis en règle avec la loi et qui continue à circuler avec ce numéro d'immatriculation provisoire. Sauf qu'officiellement, ce numéro m'était affecté. Donc je vous laisse imaginer la suite. Il a une addiction au PV et les PV, enfin non pas les PV parce que ça on se l'explique pas. J'ai tout de suite eu des courriers de la trésorerie pour des forfaits de post-stationnement majorés et j'en suis sur une période de 3 mois, 12 PV. Alors, vous prévenez, je suppose, les autorités compétentes pour leur dire « ce n'est pas moi, vérifiez, voilà, c'est lui ». Et là, qu'est-ce qu'ils vous disent? Et là, ben, ils m'ont d'abord dit dans un premier temps qu'un simple dépôt de plainte suffirait, plus une attestation de mon employeur comme quoi je travaillais ce jour-là. Sauf qu'en attendant, la machine administrative, elle a continué à faire son travail. Et comme moi, je n'ai jamais eu ces PV en format papier, je ne pouvais pas les contester. Et donc, ça a continué. J'ai fait des démarches. Alors, chacun se renvoie la balle. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'on connaît le nom du contrevenant, on a son adresse, mais personne ne bouge. La gendarmerie me dit de m'adresser à la trésorerie me dit de m'adresser à la préfecture, et tout le monde se renvoie la balle, et moi j'avance pas, et là j'ai une saisie sur mon compte bancaire. De combien ? De 960 euros, plus 90 euros à chaque fois par TV, par saisie. Alors quand on dit qu'il faut parfois passer par RTL pour tenter des médiations rapides, maître de Comont, si elle devait maintenant faire une procédure, un procès, combien de temps ça prendrait alors que les saisies continuent ? Quelques mois. Quelques mois, Julien, au mieux, parce que saisir un tribunal, c'est pas suspensif du fait que, comme vous le dites très bien, Julien, pendant ce temps-là, ça continue. Oui. Voilà, c'est tout le problème. Un coup de gueule de maître de Comont. Oui, je vous écoute, Caroline. Non, et je veux dire, les PV peuvent continuer, puisque lui, il circule toujours encore avec cette plaque en WW. Depuis, moi, je suis passée en plaque définitive, donc en EX, et j'ai encore appelé la préfecture avant-hier. Cette plaque WW continuera à m'être affectée indéfiniment. Donc lui, comme il n'a pas prévu de passer en plaque définitive, je vais recevoir indéfiniment les procès-verbaux de cette personne. Et nous allons nous en occuper, mais là, tout de suite, un coup de gueule de maître de Comont. Tout de suite sur RTL, un coup de gueule. Ce qui est gênant, ce n'est pas l'erreur en elle-même. Ce qui est gênant, c'est qu'il n'y a plus d'interlocuteur pour réparer la chose. C'est ça qui est terrible. Et pendant ce temps-là, Caroline, elle voit l'huissier arriver. Elle en est déjà à 960 euros. Elle sera à 1400 très prochainement. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Il n'y a aucune raison qu'on la laisse tranquille. Et ce qui est, vous avez raison, Julien, parfaitement scandaleux, c'est qu'avec la déshumanisation des services, avec le fait que maintenant, vous n'avez plus d'interlocuteurs dans des préfectures qui ne sont plus que des façades, des vitrines, dans lesquelles on vous dit, non, c'est pas nous, faut voir avec le service à Rennes, faut voir avec ceci, faut voir avec cela. Vous ne pouvez plus obtenir une action de la part d'un être de chair et de sang, et vous êtes contraint soit de passer par RTL, soit de lancer une procédure, et pendant ce temps-là, c'est pas suspensif. Ouais. L'administration n'en a rien à faire. Ce que vous avez raison de dire, Julien, c'est que l'erreur est humaine, mais persévérer est diabolique, comme dit la Maxime, et en l'occurrence, là, on signale une erreur, la police est saisie, elle a une idée de qui a pu commettre ces faits, moyennant quoi, il n'y a pas une personne, une intelligence humaine qui dit stop, bougez pas. On s'occupe du logiciel, on prend ce numéro-là et on dit désormais tout PV dressé à ce numéro-là sera bloqué le temps qu'on y voit clair. Je dis pas qu'on y renonce, sera bloqué, c'est tout. Nous allons donc lancer maintenant la grande valse des appels et croyez-moi, il y en aura. Mais auparavant, Charlotte, vous avez enquêté. Alors merci déjà à la directrice de la crèche qui vous a permis de donner quelques coups de fil hier. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé, Charlotte ? Pour avoir une preuve, j'ai quand même interrogé la société de gestion du stationnement pour savoir si Caroline était ou non responsable de ses impayés. Écoutez la réponse. Elle a pas une Citroën, elle ? Ah non, elle a pas une Citroën, non, elle a une Mercedes. Il semble que j'avais vu avec elle ça. Je lui avais dit que c'était pas sa voiture, que c'était que sa plaque d'immatriculation qui était dans la nature. De toute façon, c'est sûr, c'est une usurpation de plaque. Information confirmée par la police, la gendarmerie et la préfecture. Bon, alors nous allons donc appeler. Il y a beaucoup de numéros à faire. Nous allons tout d'abord appeler la société d'assistance et de gestion du stationnement. Nous enchaînerons avec la mairie, puis la commission du contentieux du stationnement payant, la trésorerie de Strasbourg, mais également le commissariat du Polic des Agneaux, le major de police, et nous irons ensuite à Strasbourg. Prenez des forces, mes amis, ça se passera dans quelques instants. Grand est le mystère de l'administration que nous allons peut-être tenter de percer aujourd'hui. Peut-être qu'une lumière blanche, tout d'un coup, viendra du ciel et nous dira « Je vais faire sauter ton PV, Courbet, mais arrête d'emmerder Dieu le matin, je dors !» On verra bien, c'est dans quelques instants sur RTL. Et pendant les 125 jours au champ, c'est la journée d'Alain qui change. Avec 70% en cagnotte sur le café carte noire pour l'achat d'un lot de 4 fois 250 grammes. Moins 70% sur ton café, Alain. Toi qui te réveilles à 8h alors que tu commences à 8h. Allez Alain, debout! Vos magasins Auchan et Auchan Drive proposent 70% en cagnotte sur le café carte noire 4 fois 250 grammes. Et votre journée change. Auchan. Montant crédité sur votre compte Wahoo, offre valable jusqu'à mardi, voire conditions en magasin. Ah, au fait, chérie, j'ai appelé le plombier pour la fuite. Tu sais, dans la cuisine. Quoi ? Mais enfin, c'est ridicule, je suis plombier ! Bah oui, mais t'es jamais là. Parce que les pros n'ont jamais de temps pour eux, Nissan leur facilite la vie avec une offre tout compris. Pendant le mois de l'utilitaire, profitez d'offres sans apport, avec garantie 5 ans, entretien et assistance inclus sur le pick-up Navara et toute la gamme utilitaire. Nissan, innover autrement. Jusqu'au 30 novembre, Sofen V200 fourgon réservé aux professionnels, garantie constructeur 5 ans, 160 000 km, Sofen V200. Entretien assistance 4 ans en crédit bail, détail nissan.fr. Vous avez hâte de rentrer chez vous, non? Ah, je vous vois déjà vous détendre au coin du feu. Et tout ça grâce au conduit et sortie de toit Pujula. Facilité d'installation, confort et économie, ça change la vie. Un projet de chauffage? Trouvez votre installateur Pujula sur pujula.fr. Tiens, encore un texto de maman pour me dire qu'elle a bien reçu les photos de Zoé. Génial! Depuis qu'on leur a offert un smartphone Doro, mes parents sont hyper connectés. Avec son interface simple et intuitive, Doro, c'est la bonne idée cadeau pour garder le contact en famille. Retrouvez toute la gamme des smartphones Doro sur doro.fr. En ce moment, ce sont les tickets d'or dans les magasins U. Thomas demande à l'accueil du magasin. On gagne quoi avec les tickets d'or? Des euros carte U. 3, 5, 10, 15, 250 euros à verser sur votre carte U. Il suffit de gratter votre ticket remis à partir de 25 euros d'achat ou l'achat d'au moins un produit de marque partenaire. Il y a 6 millions d'euros carte U en jeu. 6? Non. Si, 6 millions. Jeu avec obligation d'achat du 6 novembre au 2 décembre sur présentation de votre carte U. Les euros carte U gagnés sont à verser jusqu'au 9 décembre à l'accueil du magasin. Règlement du jeu sur magasinu.com. U. Commerçons autrement. Picard. La pâte qui croustille, la douceur du chèvre frais, les noix qui croquent, et cette petite touche de miel. Je ne sais pas vous, mais moi, cette pizza, je l'aime passionnément. Réjouissez-vous, en ce moment, vos produits Picard préférés sont à moins 30% avec la carte Picard et moi, comme la pizza chèvre miel noix à seulement 2,63€, soit 6,57€ le kilo. Picard, chaque jour un goût nouveau. Produit élu par plus de 100 000 clients Picard. Voir conditions en magasin et sur picard.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Nous sommes sur le cas de Caroline qui est dans la galère administrative avec des PV qu'elle reçoit liés pour rien. Et oui, on lui réclame 960 euros pour des impayés de stationnement qui ne sont pas de sa responsabilité puisqu'ils se situent à 500 km de chez elle à des dates où elle était au travail. Alors nous commençons par la société d'assistance et de gestion du stationnement Service Recours. Pouvez-vous nous en dire plus, Maître de Caumont? Je ne la connais pas personnellement, mais c'est clairement une société privée à laquelle, comme le font de plus en plus de villes maintenant, a été déléguée la gestion du stationnement. Bonjour le service recours, Julien Courbet à l'appareil, c'est la radio RTL, nous sommes en direct, j'espère ne pas trop vous déranger. J'essaie d'aider une auditrice qui se prend les PV d'un autre, non, madame. Monsieur, je ne répondrai pas. Bon, alors je peux parler à qui, s'il vous plaît, madame? Voilà, voyez, il faut déléguer à des sociétés privées, oui, c'est magnifique. Ça marche mieux. Hein. Voilà, donc vous avez 900 euros dans la nature, vous allez bientôt en avoir peut-être 1000, 2000, et vous appelez ces sociétés-là. Alors, elle se dit peut-être c'est une blague, ouais, on va essayer de rappeler. Vous avez remarqué que dans le titre, il y a marqué société d'assistance. De gestion et d'assistance. Ouais. Alors voyons, allez, on recommence. L'assistance est remarquable. Mettons ça, elle a une mauvaise nouvelle. C'est surtout de la gestion, je pense. Elle a une mauvaise nouvelle, mais là, ça y est, elle s'est reprise, elle se dit non, je dois faire mon travail. Allô? Bah, voyez déjà, on voit que quelqu'un est de bonne humeur, c'est le chef de service qui passe en sifflant dans le bureau. Patientez quelques instants. Nous allons donner suite. Pourquoi il siffle comme ça? Parce qu'on lui avait conseillé de jouer Blue Moon dans la quatrième, ce qu'il a fait. Ça lui a rapporté 156. Donc il est content, voilà. Il va pouvoir payer un petit apéro à tout le monde. C'est juste incroyable. Donc ensuite, la mairie. Pourquoi la mairie, maître de Caumont? Ils peuvent avoir une responsabilité parce que c'est eux qui délèguent à la société. Exactement, Julien. Depuis que toutes ces histoires de stationnement payant ont été confiées aux mairies, ne constituent plus des infractions pénales et que donc l'État a démissionné en remettant le bébé et tout ce que ça peut rapporter aux communes. Justement, vous avez dimanche soir un capital sur M6 où il y a deux enquêtes formidables. Une sur les contrôles fiscaux, donc là vous allez découvrir les nouvelles méthodes, mais une deuxième sur les sociétés privées qui maintenant récupèrent pour l'État l'argent et elles nous ont ouvert leur porte. Et vous allez aussi découvrir plein de choses. Ne manquez pas ça dimanche soir. On avait un deuxième numéro, Céline? Oui, tout à fait. On va essayer. C'est Annemasse. C'est le allez, on y va. Alors, on est toujours à Annemasse où je vous rappelle que nous avons appelé une dame qui s'occupe de l'assistance et qui nous a dit je ne réponds pas et qui a raccroché. Et nous allons essayer un deuxième numéro à Annemasse. C'est même la dame du service recours. Oui, allô? Bonjour. Bonjour madame, je me présente, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL et j'essaie d'aider une auditrice qui prend les PV à la place de quelqu'un d'autre parce que le monsieur en question a toujours le WW et elle en est à 960 euros alors que ce n'est même pas la même marque de voiture. Est-ce que vous pourriez m'aider, me passer s'il vous plaît quelqu'un? C'est par rapport à des contraventions pour une plaque qui n'est pas la bonne? Voilà, exactement. Vous pouvez me donner ce numéro? Alors, je vais vous donner le numéro du service concerné. Alors, si c'est le 03 85 quelque chose. Alors, on vient d'appeler, ils nous ont raccroché au nez. Alors, qui à la société d'assistance et de gestion de stationnement peut aider une automobiliste qui est vraiment dans la galère ? Ben, quand même. Oui. Hein ? Comment tu sais ? Voilà. Ouais. C'est Julien Courbet ? Oui, oui, oui, c'est Julien Courbet. Là, au moment où nous parlons, nous sommes en direct sur la radio RTL. C'est le seul service qui... C'est le seul service qui peut vous aider. Bon, ok. Eh bien, vous voyez, mesdames et messieurs... des agents d'exploitation d'un parking. Voilà. Ah, d'accord. Bon, on va appeler la mairie pour arrêter les frais. Merci en tout cas de nous avoir parlé. Merci. Eh bien, vous voyez quand vous êtes dans la galère ce qui va vous attendre à l'avenir, mesdames et messieurs. Alors, nous allons appeler maintenant la mairie d'Annemasse dans une seconde. Vous me préparez le numéro. Alors, Hervé, vous avez essayé quelque chose ? Eh bien, écoutez, j'ai essayé d'appeler en parallèle. Je suis tombé sur la même jeune fille qui ne m'a pas raccroché au nez, mais qui m'a dit « on ne vous parlera pas » et qui a refusé de me passer son supérieur. Alors, nous allons appeler le maire, puisque c'est lui qui donne cette délégation, pour qu'il sache comment ça se passe. Ouais. Maintenant, si le patron de la société d'assistance et de gestion du stationnement d'Annemasse veut bien cesser ce cirque, parce que je ne vois pas quel autre mot on peut utiliser, ça serait formidable qu'il montre qu'il y a quand même un peu de sérieux et que tout ceci n'est pas une caméra cachée ou une blague, parce qu'on se croirait dans surprise, surprise. Mais pendant ce temps-là, je le rappelle, Caroline, elle, voit un huissier se rapprocher à grands pas et, son compte saisi. Et elle va être saisie. Et son compte a été saisi. Mais c'est un truc de dingue. Il est déjà assis sur mon compte, l'huissier. Bon, écoutez. Belle image. Attention à ce qui ne s'allonge pas. On en est où ? On essaie d'appeler la mairie, allô ? Oui, bonjour. Oui, la mairie d'Annemasse. Oui, bonjour. Bonjour madame, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. J'aimerais avoir le cabinet du maire, s'il vous plaît, car nous essayons en direct ce matin d'aider une auditrice qui se prend des PV à la place d'un autre. Et la fameuse société d'assistance et de gestion du stationnement d'Annemasse prend ça de haut et nous raccroche au nez. Et on a une dame qui est saisie régulièrement sur son salaire et qui est vraiment dans une situation catastrophique. Est-ce que je pourrais avoir le cabinet de monsieur Christian Dupécé, s'il vous plaît ? Oui, je vous passe. Merci beaucoup. Alors, quand je dis Christian Dupécé, ce n'est pas le parti politique, c'est son nom. Hein, D-U-P-E, 2-S-E-Y. Non, mais que les choses soient claires. Oui. Vous récupérez l'appel éventuellement. On va se retrouver dans une seconde sur l'antenne d'RTL. En tout cas, première bonne nouvelle. Déjà, la dette énergétique de la France, grâce à ce dossier, va être réglée en grande partie parce que là, je sens qu'on va trouver du pétrole. Ouais. Je n'avais encore jamais entendu tout ce que nous venons d'entendre. Et ça, c'est sur RTL. A tout de suite pour la suite de ce dossier. Cet hiver, Mastercard et Disneyland Paris célèbrent 90 ans de magie avec Mickey. Animation, spectacle, gâteau d'anniversaire géant et de nombreuses autres surprises sont au programme. Grâce à Mastercard, faites partie des heureux privilégiés et assistez aux festivités pour l'anniversaire de Mickey. Découvrez d'autres expériences tout aussi magiques avec le programme Priceless Cities de Mastercard sur priceless.com. Passez une bonne matinée avec RTL. Dis papy, comment tu fais pour chauffer ta maison sans cheminée ? Avec la pompe à chaleur Viessmann. Elle chauffe la maison en hiver et elle la rafraîchit en été. C'est pratique et économique, hein ? Et tout ça sans bruit. C'est vrai qu'il fait toujours bon chez toi ? Avec la qualité des pompes à chaleur Viessmann, vous avez la garantie d'un confort thermique tout au long de l'année. Et vous réduisez enfin vos dépenses et votre impact sur l'environnement. Avec votre nouvelle pompe à chaleur Viessmann, profitez de 30% de crédit d'impôt. Retrouvez l'installateur formé au produit Viessmann le plus proche de chez vous et ses offres de financement sur Viessmann.fr. Vous êtes en voiture. Comme 70% des automobilistes, vous écoutez la radio en roulant. Comme 100% des automobilistes, vous trouvez que le carburant est trop cher. Mais Carrefour lance une opération jamais vue. Les jours carburant. Le carburant à prix coûtant jusqu'au 20 novembre dans vos hypermarchés Carrefour. Car chez Carrefour, nous sommes à 100% pour votre porte-monnaie. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors GPL et E85, conditions et magasins participants sur carrefour.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Le Signal, le nouveau thriller de Maxime Chatham. La famille Spencer vient de s'installer à Meiningen Falls, une ville charmante, un vrai paradis. Si ce n'était ces vieilles rumeurs de sorcellerie, ces appels téléphoniques interrompus par des cris inhumains et ce quelque chose qui pourchasse les adolescents dans la forêt, et ces crimes horribles restés inexpliqués. Le Signal, le nouveau Maxime Chatham, un thriller Albin Michel. Avez-vous déjà eu vraiment peur en lisant un livre ? Bonjour, c'est moi le pavé de rhum steak des restaurants La Boucherie. Oui, je sais, je suis bien dodu et j'assume. Pourtant, j'ai maigri. Je veux dire, au niveau de mon prix. J'ai perdu 4 euros quand même. Oui, en ce moment, dans votre restaurant La Boucherie, le pavé cœur de rhum steak origine France est à seulement 13,90 €. Et ça me va bien. Pour votre santé, bougez plus. Conditions et adresses sur laboucherie.fr. Intermarché vous propose d'écouter 3,78 €. Jusqu'au 18 novembre chez Intermarché, le pack de 2 fois 500 ml de gel douche Sanex est à moins 40%, soit 3,78 €. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 3,78 € le litre. Modalité et magasin participants sur intermarché.com. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Mais quelle histoire, mais quelle galère pour l'administré qui malheureusement se retrouve piégé dans cette machine judiciaire. Rappelez-nous le cas, s'il vous plaît, de Caroline Charlotte. Elle va être saisie sur son compte bancaire à cause de contraventions qui ne sont pas de sa responsabilité. Tout le monde sait que ce n'est pas elle. La police en a la preuve, mais rien ne bouge. Alors apparemment, d'après ce que nous avons compris, Maître de Comont, la mairie d'Annemasse a délégué à la société d'assistance et de gestion du stationnement le recouvrement. Exactement. Nous les avons appelés, on nous a raccrochés au nez. On a appelé un deuxième numéro, on nous a dit il faut appeler celui où on vous raccroche au nez. Alors du coup, on s'est dit on va appeler la mairie, peut-être que le maire va nous aider. Où en est-on ? Eh bien justement, j'ai l'assistante de Christian Dupécé qui est absolument charmante et qui fait son possible. Christian Dupécé est actuellement en réunion avec son directeur de cabinet. Ben, elle va les déranger pour leur expliquer ben que oui, nous avons besoin de lui. Et qu'il donne un petit coup de fil à cette société privée en leur disant les gars, je vous donne un beau contrat, essayez au moins de respecter ceux qui ont des problèmes et de les aider. C'est ce que nous attendons, rien d'autre. Ça va se passer dans quelques instants. Un deuxième cas arrive. James paie 6 490 € pour une voiture pour sa fille à un professionnel, mais très rapidement, il se rend compte de nombreuses anomalies. Tout ceci se passe sur RTL et ça se passe de temps en temps en musique. Pour vous souhaiter une belle journée, malgré la pluie, on s'y fera. My eyes on you. Vous comprenez pourquoi je n'ai pas réussi en 30 ans à décrocher un seul poste de DJ dans une boîte de nuit, parce que quand je fais des essais, on me dit c'est pas assez convaincant. Nous en sommes toujours sur ce premier cas. Est-ce que ça a bougé? Alors déjà, on rappelle Charlotte qu'il y a la galère pour cette auditrice. Caroline reçoit 12 PV majorés pour des stationnements impayés à Annemasse, alors qu'elle habite dans la région de Strasbourg à environ 500 km. La police aurait l'identité du responsable, mais on lui demande quand même de payer. Alors, nous n'avons pas, nous, l'identité du responsable. La police le garde secrètement, ce qui est bien normal. Nous avons appelé la société d'assistance et de gestion du stationnement. On pense que c'est une société privée qui a une délégation de la part de la mairie. Donc du coup, on s'est tourné vers la mairie, Hervé Pouchol. Oui, absolument. J'ai demandé à l'assistant de Christian Dupessé, qui est le maire d'Annemasse, eh bien de le déranger quelques minutes lors de sa réunion. Elle a dérangé le directeur de cabinet qui est en train d'essayer de voir s'il ne peut pas joindre le responsable de la SAGS pour qu'il nous réponde enfin. Ah, super. Alors, dès que vous l'avez, une petite alerte. Voici l'alerte. Dès que vous entendrez ça, ça veut dire que nous avons quelqu'un. La négociation aura lieu en direct sur l'antenne d'RTL. Nous allons accueillir James sur l'antenne d'RTL. Bonjour, James. Oui, bonjour Julien, merci d'avoir retenu mon dossier. Je vous en prie James, donc entre deux missions, James, vous avez quand même eu un petit souci et vous allez nous l'expliquer maintenant. Vous voyez que même James Bond, que vous voyez sur les écrans, avec des Aston Martin, des pistolets transparents, des oreillettes bioniques et je ne sais trop quoi, et puis surtout des très très belles femmes, puisque un James Bond en moyenne, moi qui suis fan de la série, c'est 3-4 belles nanas en général, par film, et bien vous allez voir qu'il peut lui arriver aussi des petites galères. James, raconte-nous. Oui, alors voilà ce qui s'est passé. J'ai acheté un véhicule d'occasion à ma fille, à un professionnel, en juin dernier, pour un montant de 6 490 €. Bon, très rapidement, des problèmes sont apparus, à savoir que le véhicule ne redémarrait pas lorsqu'il était à chaud. Donc le garage a décidé de reprendre le véhicule, faire un premier examen et n'a rien trouvé. Ensuite, les problèmes ont persisté. Bon, il y a eu différentes mises en demeure jusqu'à ce que nous décidions de faire un rapport d'expertise par un expert agréé près de la cour d'appel. Et là, le constat est extrêmement grave puisque l'expert constate que les différents désordres étaient existants lors de la vente, à savoir un défaut de volant moteur, embrayage, remplacement des 4 injecteurs, et ce pour un montant total de 12 000 € de réparation. Donc aujourd'hui, malgré une dernière mise en demeure du 12 octobre, le professionnel ne répond pas et il ne donne aucune réponse. C'est la raison pour laquelle j'ai donc fait appel à vous. Bon, l'analyse juridique de Maître de Comeau et nous lançons l'appel après. On rappelle à cette occasion certains principes fondamentaux que la plupart de nos auditeurs connaissent. Premièrement, un professionnel est présumé être au courant de tout ce qu'il peut y avoir comme problème sur une voiture qu'il vend à un particulier. Deuxièmement, l'expertise est très claire là-dessus. Lorsque le vice existait ou était en germe au moment de la vente, bien entendu, le professionnel ou même un vendeur particulier en est responsable. Donc, par définition, il doit assumer. Eh bien, nous allons préparer l'appel. Ça va se passer dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Je vous rappelle que nous attendons d'une minute à l'autre que la mairie nous rappelle dans cette histoire de saisie sur les comptes de notre auditrice. La pauvre, elle n'y est pour rien. Quelqu'un d'autre a des PV à sa place. Ça bouge ce matin et c'est sur RTL. Chérie, bonne nouvelle, le carburant est à prix coûtant tout le mois de novembre chez Leclerc. Le carburant à prix coûtant? Je te promets, le carburant est vraiment à prix coûtant tout le mois de novembre chez Leclerc. Tout le mois de novembre? Tout le mois de novembre, le carburant est à prix coûtant chez Leclerc. Oh, je ne me lasse pas de le dire. Tout le mois de novembre, Leclerc vous offre tous les carburants à prix coûtant. Hors fuel domestique, voire modalité dans les magasins participants. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Tout le mois de novembre, le carburant à prix coûtant chez Leclerc. Voilà. Charolaise, Limousine, Blonde d'Aquitaine, Aubrac, Salaire. Les viandes racées vous invitent à découvrir des plaisirs racés. Alors monsieur Dubois, vous êtes boucher spécialisé dans la Limousine. Tout à fait. D'abord parce que c'est une race de chez nous. Et puis là, on est sur des bêtes qui sont nourries au pâturage presque toute l'année. Hein. Au final, on a une viande d'exception, quoi. C'est-à-dire ? Ah ben, un goût incomparable, hein. C'est fondant, avec un grain très fin, des saveurs qui s'expriment. Vous êtes un défenseur du goût, en fait. C'est ça. Alors moi, c'est de la Limousine, hein, mais j'ai des collègues qui préfèrent la Salaire ou l'Aubrac. Et d'autres qui sont plus sur de la Blonde d'Aquitaine ou de la Charolaise, voilà. Que des viandes racées, quoi. Et surtout, bien élevées. Bazadaise. Blanc bleu. Rouge des prés. Parthenaise. Gascogne. Les viandes racées, initiez-vous au plaisir racé. Jusqu'au 22 novembre 2018, c'est l'opération Collect Box dans votre boutique Carré Blanc. Chaque kilo de linge de maison usagée que vous rapporterez se recycle en bon d'achat Carré Blanc de 10 euros. C'est gagnant pour la planète et pour votre budget. Carré Blanc, éditeur de linge de maison, révélateur d'inspiration. Voir conditions dans les boutiques participantes et sur carréblanc.com. Collect Box égale boîte de collecte. Et si on parlait Renault Service ? Bonjour, c'est Monsieur Richard. Brrr, le froid arrive. Dites, pour que votre voiture passe bien l'hiver, vous n'allez quand même pas lui tricoter une couverture ? Une maille à l'endroit, une maille à l'envers ? Non, la solution, c'est le bilan sécurité hiver chez Renault Service. Et c'est le moment, il est offert. Voyez, inutile de vous mettre au point de croix. En plus, si vous deviez changer votre batterie, Renault reprend l'ancienne, 15 euros. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr. On a pensé à vous, avec ces cookies Nougatti Netto fabriqués à partir de farine de blé français. Leur prix ? 69 centimes seulement. Avec nos 3000 produits Netto, on répond à tous vos besoins du quotidien. Netto, le discounter qui fait la différence. 200 grammes, soit 3,45 euros le kilo. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Netto vous rembourse deux fois la différence. Modalité sur netto.fr. Pour votre santé, bougez plus. C'est le moment. Le moment de vous joindre aux millions de personnes qui organisent des joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Zoom vous offre une vidéo parfaite, une audio très claire et un partage instantané sur tous les appareils mobiles, les tablettes ou les appareils de bureau. Mais ce qui est le mieux avec Zoom, c'est que ça marche, tout simplement. Alors fini les distractions, joignez-vous au mouvement et à vous les joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Visitez zoom.us/fr pour créer votre compte gratuit aujourd'hui. C'est zoom.us/fr, la vidéoconférence Zoom. Caroline n'en peut plus, on vient lui prendre 900 euros sur son compte, elle n'a rien fait. James achète une voiture qui ne marche absolument pas, c'est à suivre. RTL 10h01 minute. L'information, c'est avec vous, Quentin Vinet, bonjour. Bonjour à tous. Les 280 salariés d'Ascoval vont encore devoir attendre. C'est finalement le 12 décembre que le tribunal de Strasbourg donnera sa décision concernant la reprise de l'usine près de Valenciennes. L'aciérie est en redressement judiciaire et ce nouveau délai doit permettre au potentiel repreneur de finaliser son offre. Une offre jugée solide par le gouvernement. Le porte-parole de l'intersyndical espère qu'une solution sera trouvée avant les fêtes de fin d'année. Il l'a dit au micro RTL de Yannick Collant, le correspondant de RTL dans la région. Le gouvernement se réunit dans les Ardennes ce matin, début d'un conseil des ministres à Charleville-Mézières, à l'occasion du périple d'Emmanuel Macron dans l'Est et dans le Nord du pays. L'ordre du jour, c'est la politique des territoires, notamment l'accès à la santé et au numérique. La politique de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis, la vague anti-Trump n'a pas eu lieu cette nuit lors des élections de mi-mandat. Les démocrates remportent la Chambre des représentants, les républicains renforcent leur contrôle du Sénat. Donald Trump parle donc d'un immense succès. Le président américain s'était énormément investi dans cette campagne qui avait des airs de référendum pour ou contre sa personne. Commentaire en France ce matin de ces résultats, c'est un défi pour l'Europe. C'est ce qu'affirme sur RTL le président du Modem et le maire de Pau, François Bayrou. Et puis pas de conséquences à la Bourse de Paris. Elle ouvre ce matin en hausse de 0,49%, le CAC 40 autour de 4100 points. Le bilan s'est encore alourdi ce matin à Marseille. Le corps d'une cinquième victime a été retrouvé vers 6h environ sous les décombres des immeubles vétustes qui se sont effondrés lundi dans le centre de la ville. Les sauveteurs sont restés à pied d'œuvre toute la nuit. Entre 5 et 8 personnes pourraient avoir été ensevelies sous les gravats selon les autorités. Paris est toujours dans la course en Ligue des champions de football grâce au match nul 1-1 hier soir à Naples. Les Parisiens sont 3e de leur groupe mais c'est très serré et le match contre Liverpool à la fin du mois sera décisif pour la qualification. Monaco est d'ores et déjà éliminé, lourdement battu 4-0 par Bruges. Lyon recevra ce soir le club allemand d'Offenheim à 21h sur RTL. Des nouvelles de la Route du Rhum, François Gabart est en train de prendre le large dans la catégorie Rennes, les ultimes. Au dernier pointage qui a été réalisé ce matin, il a 70 000 d'avance sur son premier poursuivant, Francis Joyon. Le début de course est perturbé par les intempéries. Le navigateur Armel Lecléache est hors course après le chavirage de son bateau près des Açores. Il est sain et sauf et a été récupéré hier soir par un navire de pêche. Les chevaux seront à l'hippodrome de Nantes cet après-midi pour le Quintet. Ce sera une nouvelle étape du Grand National du Trot. Claude Piersanti vous propose de jouer le 16, le 12, le 14, le 6, le 3, le 8, le 4 et le 11, je répète, 16, 12, 14, 6, 3, 8, 4 et 11, dernière minute, le 14. Des chevaux qui vont courir sous la pluie, une perturbation touche le pays, le temps est même orageux dans l'ouest. Seules les régions les plus à l'est ou proches de la Méditerranée sont épargnées. Cet après-midi, il fera entre 11 degrés à Brest et 18 à Ajaccio. 10h et 4 minutes sur RTL, vous êtes en compagnie de Julien Courbet. Et notez l'homogénéité, car vous êtes vous-même Quentin Vinet et entouré de gens qui sont eux avinés. Merci beaucoup, on se retrouve à 11h, voici le point info. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Charlotte, nous avons donc commencé avec cette histoire qui peut arriver à n'importe qui, cette histoire injuste de PV. On réclame à Caroline 960 euros pour s'être garée sans avoir payé le stationnement. Elle se bat pour que l'administration reconnaisse qu'elle n'est pas responsable. Le problème viendrait d'une usurpation de plaques d'immatriculation. Céline, nous n'avons pas ménagé nos efforts. Qui avons-nous appelé depuis 9h30? Dans un premier temps, la société d'assistance de gestion et de stationnement. C'est le service qui est en charge de ce problème. Malheureusement, on n'a eu personne. On nous a même raccroché au nez. Ensuite, nous sommes passés par la mairie qui est donc aussi au courant du problème. Et là, c'est Hervé Pouchon. Car la mairie délèguerait, je suppose, ces histoires de contravention à la société d'assistance et de gestion du stationnement d'Annemasse. Où en est-on, Hervé? Bah, Caroline peut être contente parce qu'on est tombé vraiment sur une secrétaire de mairie extraordinaire qui a fait sortir le directeur de cabinet qui était dans une réunion très importante, qui prend ce dossier en urgence. Il est en ligne avec le directeur de la SAGS. On aura du nouveau d'ici 10 minutes. On rappelle que l'on est à Annemasse. En rouge et noir, nous allons, si vous le voulez bien, parler du deuxième cas, c'est celui de James. La voiture de sa fille, payée 6 490 euros, s'est révélée impropre à l'usage. Il y a tout à changer, les réparations sont estimées à 12 000 euros. Et là, nous n'avons pas encore lancé les appels. C'est imminent, le temps d'une petite pause et nous allons tomber sur ce professionnel et qui va devoir nous expliquer comment il peut vendre une voiture qui a autant de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, le pauvre James, c'est la cata pour lui. Il veut l'annulation de la vente, assortie du remboursement des 6 642 du prix d'achat. Parce qu'apparemment, si on fait le compte et qu'on fait la liste, autoradio défectueux, déclenchement du loquet de sécurité lors des plaints, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, je crois qu'il y a des problèmes plus graves. Maître de Comont, vous vous rappelez ce qu'elle a, la voiture? Il y a beaucoup plus grave. Écoutez, quatre injecteurs, un turbocompresseur, un kit volant moteur, bimasse a changé et je vous la fais pour 12 000 euros. Bon, vous voyez, on se croirait, vous savez, avec le boucher qui a le petit stylo sur l'oreille. Alors, monsieur de Comont, qu'est-ce qu'on a? On a donc quatre injecteurs, un turbocompresseur à jeter, un kit volant et les vitres qui remontent toutes seules. Je vous en mets, il y en a un petit peu plus, je vous le mets quand même. Oui. À tout de suite sur RTL. Chez Air Transat, nous savons qu'il y a de nombreuses raisons de visiter le Canada en hiver. Les grands espaces, les balades en motoneige et finir sa journée dans un spa ou au coin du feu. Et puis le Canada, c'est aussi des rencontres authentiques et des expériences culinaires. Parce que toutes les raisons sont bonnes. Avec Air Transat, élue meilleure compagnie aérienne loisirs au monde, vous êtes déjà au Canada. Montréal, Québec, Toronto ou Vancouver, à partir de 356 euros TTC, aller-retour. Réservation dans votre agence de voyage ou sur airtransat.fr. Renault Occasion, c'est aussi de l'électrique. On voulait vous faire écouter ceci. Ce silence vous est offert par Renault Zoé d'occasion. 100% électrique, silencieuse et accessible à partir de 59 euros par mois, hors location de batterie. Et avec l'aide à l'installation de la prise de recharge, tout le monde va passer à l'électrique. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2018, conditions sur Renault.fr. Conforama, le confort pour tous. Jusqu'au 18 novembre, si vous achetez un électroménager encastrable, on vous reverse 15% du montant sur votre cagnotte Confo Plus. 15% reversé, c'est ça, une exclusivité carte Confo Plus. Conforama, conditions et liste des magasins ouverts le 11 novembre sur Conforama.fr. Monoprix. Tu sais que t'es pressé quand tu regardes un épisode sur deux de ta série pour arriver plus vite à la fin. Et tu sais que t'es vraiment pressé quand tu fais ton footing en même temps que tes courses parce qu'avec Monoprix, tu ne t'arrêtes même pas à la caisse. Grâce à l'appli Monoprix et moi, scannez vos courses avec le service coupe-fil Monoprix et payez directement dans l'appli. Et pour la première utilisation, 5 euros sont crédités sur votre carte. Monoprix, jusqu'au 31 décembre, voire conditions de la carte et de l'offre sur monoprix.fr. Alors, je suis très content d'être à la retraite. Ça me fait juste bizarre de me dire qu'un jour, il va falloir que je laisse cette maison. Mais pourquoi tu dis ça? Bah, parce que c'est la vie. Le contrat SMA de Prévoir, tu connais pas. Solution maintien autonomie. Tu fais venir un conseiller Prévoir chez toi, gratuitement. Vous trouvez ensemble les solutions adaptées à tes besoins. Et après, chez toi, tu kiffes la life. Je quoi? Bah, tu profites de la vie. Et c'est mon petit-fils qui m'a appris ça. Ah. Prévoir, c'est plus de 20 ans d'expertise dans l'assurance perte d'autonomie. Rester autonome, c'est prévoir. Tous les renseignements sur prévoir.com. Noroto. C'est bon pour les niveaux de la voiture? Ah oui, c'est même super bon! Enfin, t'emballes pas quand même, t'as juste remis de l'huile. Oui, mais à prix Noroto. Noroto a déjà baissé le prix de 5000 produits. Comme l'huile Total Activa 9005W40, maintenant à seulement 32,95€ les 5 litres. Parce que c'est bon de ne pas mettre tout son argent dans sa voiture. Il est pas trop fort ton champion? Oui, c'est mon champion. Alors... Noroto. Conditions sur noroto.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous appelons pour le cas de James, Charlotte. Il offre une voiture à sa fille et paye 6 490 €, mais très rapidement, c'est la déception. Le véhicule est impropre à l'usage, il y en a pour 12 000 € de réparation. Maître Felono, une... Alors attendez, ça va sonner, c'est pas grave, on va répondre. Allô ? Bonjour, bienvenue sur la messagerie. Bah, on va couper deux secondes. Alors, le temps que vous me trouviez un deuxième numéro, il y a autre chose qu'il faudra mettre en avant. Donc, on a vu absence, turbocompresseur en pâte, guide volant, quatre injecteurs, les freins. Mais le contrôle technique a peut-être quelque chose à nous dire. Alors, autant le contrôle technique en ce qui concerne le moteur, lui, n'a rien à voir, n'a rien à intervenir, à faire comme intervention. Mais, en revanche, les organes de sécurité comme les freins, là, oui, c'est à lui de mettre les éléments en avant et s'il y a des réparations. Or, là, on voit que les freins sont totalement usés. Il aurait dû le voir. Alors, encore une fois, voici un vendeur automobile. Il n'y a qu'un numéro de portable. Donc, c'est vrai que faites votre petite enquête aussi. Vous savez que sur des sites comme Le Bon Coin, il y a des milliers de vendeurs automobiles qui rachètent des stocks, etc. Mais il n'y a pas vraiment d'adresse où vous pouvez aller les voir. Ça se fait dans un appartement. Les voitures sont stockées dans des parkings. Là, on a essayé d'avoir ce monsieur. Pour l'instant, ça ne répond pas. Il n'y a qu'un seul numéro. Et oui, il n'y a qu'un seul numéro. J'ai essayé avec un autre portable également, ça ne fonctionne pas. Alors, ça, c'est une mission pour Hervé Pouchol qui attend toujours des nouvelles de la mairie en ce qui concerne les PV. Et là, il va essayer de nous avoir en faisant le coup du Père François, le vendeur automobile. C'est fait. C'est votre mission. Vous lui avez envoyé un petit texto ? Oui. Allez, on attend qu'il nous rappelle. Nous allons lancer un troisième cas dans une seconde, s'il vous plaît, Charlotte. Et puis, nous allons venir aussi sur l'actu du jour avec vous, Maître Felono. Et oui, on va revenir sur le cas d'Angélique qui est passée hier à l'antenne. Elle a fait construire sa maison il y a 8 ans. Et depuis 2 ans, des taches noires apparaissent au plafond. L'actu du jour, on décrypte. RTL, c'est dans l'actualité et ça vous concerne. Vous allez nous parler très rapidement, Maître Felono, de ces frais incroyables, il n'y a pas d'autre mot, que l'on doit payer quand on doit récupérer un héritage. Une personne décède, elle laisse par exemple une assurance vie, je dois la récupérer et là ça me coûte un max. Voilà, ça coûte jusqu'à 450 €. On a vu des frais bancaires qui coûtent effectivement très cher, mais on ne peut pas faire grand chose pour lutter contre, étant donné que c'est contractuel, Julien. C'est acté tous les ans, on a le montant des frais que l'on paye. Et on voit une hémorragie, Julien, de ces frais, une augmentation qui est abyssale depuis que les taux d'intérêt baisse. Il faut bien que les banques gagnent de l'argent. Et elles les gagnent en trouvant un autre moyen, comme par exemple en nous taxant de frais qui sont, moi je qualifierais de honteux, mais bon voilà, c'est une façon de gagner son mais argent. Mais on n'a pas le choix en fait. Ben non, c'est contractuel. D'accord. Donc en fait, on a tous les ans, on sait que... Mais alors, c'est contractuel pour le vivant qui, avant de mourir, a pris une assurance vie, il est marqué dans ce contrat-là. Oui, voilà. Attention, le jour où cette assurance vie sera distribuée, ça coûtera 500. Tous les ans, on reçoit une plaquette avec des frais, si vous voulez. Ben là aussi, ça fait partie des frais que l'on doit payer. Ce sera prélevé sur l'argent qui vont aux héritiers. Eh bien, je n'aurai qu'un mot à dire. Voilà. Nous allons, si vous le voulez bien, maintenant écouter Christine and the Queens avant d'attaquer le troisième cas. Voici la marcheuse sur RTL. Je vais marcher très longtemps, mais je m'en vais trouver les points qui redessinent. Je vais chercher et hontément les coups portés sur moi, la violence facile. Agressif, je vais toujours. lèvres au matin, nouvel air. Je m'en suis fait, je vais m'en défaire. À la blessure, c'est plus rien. J'ai connu pire, j'ai connu la honte. Je vais marcher très longtemps et je m'en vais trouver les ponts qui redessinent. Je vais chercher et hontément les coups portés sur moi, la violence facile. Je vais marcher tout le temps et je m'en vais forcer les regards. Elle assume complètement. Elle joue avec les mots, ça ne veut pas dire grand-chose parfois, mais elle l'assume. Elle dit, voilà, je cherche une musicalité dans les mots, et c'est pour ça, parce que ça, elle dit, je vais marcher très longtemps et je m'en vais trouver les points qui redessinent. Je vais chercher hontément les coups portés sur moi, la violence facile. Gilbert, remets-nous une suze, là, parce que faut qu'on relise le texte, là, parce que j'ai pas compris. Et tu mets un petit guignolé pour de comment il va m'aider. Parce que là, franchement, j'ai un peu de mal à comprendre. Mais peut-être que je suis encore trop sobre pour pouvoir comprendre ce texte. Nous allons parler de James. Rappelez-nous, ma chère Charlotte, de quoi il s'agit. 6 490 € pour une voiture sur laquelle rien ne va. Il y a le moteur à changer, mais aussi les 4 injecteurs, le turbocompresseur, le kit volant moteur bimasse. Ça fera 12 000 €, s'il vous plaît. Donc nous avons essayé d'appeler le vendeur, ça ne répond toujours pas. Et non, personne. Alors on continue et nous allons appeler le contrôle technique. Maître de Comont, on est bien d'accord que normalement, s'il y a une usure anormale des freins, au contrôle technique, on doit le voir. On doit d'autant plus le voir que ça fait bien sûr partie de ce qu'il doit vérifier et que je vous rappelle que c'est un élément de sécurité. Et le contrôle technique, d'abord, c'est pour ça. Bon, alors on a quelqu'un qui va répondre. Allô ? Le contrôle technique ? Ah non, ça continue de sonner. Autosécurité, bonjour. Bonjour madame, Julien Courbet à l'appareil, c'est la radio RTL, j'espère ne pas trop vous déranger. Je me permets de vous appeler, j'aurais aimé avoir peut-être monsieur Blondiot, c'est concernant un cas que nous traitons ce matin à la radio, une vente de véhicule et le contrôle technique, la voiture est passée par chez vous. Monsieur Blondiot n'est pas là du tout. Ni l'un ni l'autre, parce que j'ai vu qu'il y en avait deux. Oui, ni l'un ni l'autre. Bon, alors monsieur. Est-ce que vous pourriez me donner un numéro ? On peut vous joindre, s'il vous plaît. Oui, évidemment. Est-ce que monsieur Maslow est là, le contrôleur ? Pas du tout, il n'est pas encore arrivé. Allez donc. On va commencer, on va tourner le problème. Qui est là aujourd'hui ? C'est monsieur Salomé, mais. Allô ? C'est pas lui qui a fait le véhicule, ah, s'il me semble. Bon, alors on va vous donner, je vous passe Hervé Pouchol qui vous donne notre numéro, d'accord ? D'accord, il n'y a pas de souci. Et si jamais monsieur Jean ou Sébastien Blondiot ont la chance de nous écouter, ils sont route de Béthune à Lous, en Goëlle, dans le 62. Merci de nous rappeler, on essaie de comprendre ce qui s'est passé sur cette voiture. Alors Hervé a récupéré l'appel et va lancer ça. On lance un nouveau cas, ma petite Charlotte. Où on peut revenir sur un cas qui est passé hier. Bonne et idée. Qui était bloqué. C'est le cas d'Angélique, qu'elle a fait construire sa maison il y a 8 ans. Et depuis 2 ans, des taches noires apparaissent au plafond. Le constructeur ne fait rien pour remédier au problème. Eh bien, nous allons y revenir dans une seconde. Je dis juste bonjour à Angélique, vous êtes là ? Oui, bonjour Julien, bonjour tout le monde. Vous avez toujours une aussi belle voix, Angélique, je ne m'en lasse pas. Allez, je vous parle dans une seconde sur l'antenne d'RTL et nous revenons évidemment sur ce cas. Les taches sombres au plafond de plusieurs pièces et le constructeur qui ne fait rien, l'affaire était bloquée. Mais nous y revenons car l'équipe du 9h30-11h ne lâche jamais rien. A tout de suite. Ah, au fait, chérie, j'ai appelé le plombier pour la fuite. Tu sais, dans la cuisine. Quoi ? Mais enfin, c'est ridicule ! Je suis plombier ! Bah oui, mais t'es jamais là. Parce que les pros n'ont jamais de temps pour eux, Nissan leur facilite la vie avec une offre tout compris. Pendant le mois de l'utilitaire, profitez d'offres sans apport, avec garantie 5 ans, entretien et assistance inclus sur le pick-up Navara et toute la gamme utilitaire. Nissan, innover autrement. Jusqu'au 30 novembre, sauf ENV200 fourgon réservé aux professionnels, garantie constructeur 5 ans, 160 000 km, sauf ENV200. Entretien assistance 4 ans en crédit bail, détail nissan.fr. Picard. L'apéro prêt en un clin d'œil. Le mini-cake doré à point. Sa texture moelleuse et son goût jambon olive. Je ne sais pas vous, mais moi, ce mini-cake, je l'aime passionnément. Réjouissez-vous, en ce moment, vos produits Picard préférés sont à moins 30% avec la carte Picard et moi, comme le mini-cake jambon olive à seulement 2,07€, soit 8,44€ le kilo. Picard, chaque jour un goût nouveau. Produit élu par plus de 100 000 clients Picard, voire conditions en magasin et sur picard.fr. Pour votre santé, bougez plus. Vous êtes en voiture. Comme 70% des automobilistes, vous écoutez la radio en roulant. Comme 100% des automobilistes, vous trouvez que le carburant est trop cher. Mais Carrefour lance une opération jamais vue. Les jours carburants. le carburant à prix coûtant jusqu'au 20 novembre dans vos hypermarchés Carrefour. Car chez Carrefour, nous sommes à 100% pour votre porte-monnaie. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors GPL et E85, conditions et magasins participants sur carrefour.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Mercedes-Benz. Alors, cette annonce Mercedes ? Elle a l'air super. Je l'ai vue 3 fois, pris 200 photos, écouté le moteur, envoyé le carnet d'entretien à mon cousin garagiste et j'ai lu tous les avis sur Internet. Ah ouais, quand même. Eh ben, ça fait 2 mois que j'y suis. Et toi, t'as fait comment ? Moi, je l'ai acheté chez mon distributeur Mercedes. Il y a ceux qui se rassurent et ceux qui sont sûrs. Les véhicules d'occasion du réseau Mercedes-Benz sont entretenus par nos experts et garantis 2 ans. N'attendez pas pour repartir avec la Mercedes de vos rêves. Rendez-vous sur occasion-mercedes.fr. Leclerc. Ah maman, c'est quoi tous ces gels douche Tahiti là ? Une super promo Leclerc. Un lot de 3 gels douche Tahiti achetés, un lot de 3 gels douche Tahiti offerts. Ah ouais, carrément ! Bah ouais, un lot de gels douche Tahiti achetés, un offert. En plus, on a le choix dans les parfums. Du 6 au 10 novembre, c'est les super promos chez Leclerc. Pour l'achat d'un lot de 3 gels douche Tahiti de 250 ml chacun, variété au choix, le deuxième lot est offert. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. 3 gels douche Tahiti achetés, 3 gels douche Tahiti offerts. Ça, c'est des super promos. Pendant ce temps chez Renault... Ah, top ! Là, c'est l'effet que cela fait d'estimer la valeur de votre voiture très facilement, rapidement et gratuitement sur Renault.fr, quelle que soit sa marque. Waouh ! Et là, c'est quand vous apprenez qu'en plus, Renault vous offre jusqu'à 5 500 € en plus de la valeur de reprise de votre véhicule pour l'achat d'un véhicule neuf. Jusqu'à 5 500 € en plus de la valeur de reprise pour l'achat d'un Renault Espace neuf du 1er novembre au 31 décembre 2018, estimation finalisée en concession. Offre non cumulable réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le responsable du garage. Bonjour monsieur, monsieur Delattre Automobile. Karim ? C'est Karim qui est en ligne. Bonjour Karim, je me présente, je suis Julien Courbet, c'est la radio RTL et je suis avec James qui est le papa de Caroline Fokker qui vous a acheté une voiture et apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, mais c'est pour ça que je voulais vous appeler, l'expert a conclu que les 4 injecteurs, le turbocompresseur, le kit volant moteur Bima sont à changer, les défauts étaient bien existants et en germe à l'achat, ils rendent le véhicule impropre à la circulation. Alors je voulais savoir si vous contestiez ceci monsieur. Il y a une expertise sur le véhicule, donc c'est en bonne voie, il n'y a pas de problème. C'est ma garantie qui gère le dossier. Ah, donc il va y avoir une deuxième expertise, c'est ça ? Je pense qu'ils vont rembourser le véhicule. D'accord. Allô ? Bon, alors, oui, James, je vous écoute. Oui, écoutez, non, c'est parfaitement faux. Ce monsieur a déjà tenté le coup au mois d'août dernier. J'ai envoyé le rapport de l'expert auprès de la compagnie d'assurance qui aujourd'hui n'a pas répondu. Et en fait, le véhicule était assuré avec une garantie de 6 mois, mais dans un premier temps, l'assurance a répondu qu'elle ne prenait pas en charge la nature des réparations. Et là, le rapport d'expertise a été envoyé et l'assureur ne s'est toujours pas manifesté. Alors, autre chose, Karim, oui. Apparemment, il est stipulé que les freins ont une usure anormale et pourtant le contrôle technique était vierge. Ça c'est de l'ordre du contrôle technique, monsieur Courbet. D'accord. Moi, non, mais je vous reproche rien, j'essaie de comprendre. Si vous voulez, nous, c'est des véhicules qui viennent de concession. Donc nous, on achète des lots en concession, on remet en état et on remet en vente. Bon. Donc, après, mais est-ce que vous contestez, monsieur, en tant que professionnel, cette histoire de turbocompresseur, de kit volant, de 4 injecteurs qui sont à changer ? On peut pas le contester. Dans le sens, après, si vous voulez, l'avantage de ce véhicule, nous, comme je vous ai dit, c'est des véhicules qui viennent de concession. Sur ce véhicule, vous aviez tout l'historique de la voiture. C'est un véhicule qui était peu kilométré par rapport à l'année. Et vous aviez un historique limpide et complet. Donc après, si vous voulez, au niveau des entretiens, nous on a fait le nécessaire, vidange, filtration, etc. Donc il n'y a pas eu de. Après, bon, malheureusement, la dame est tombée en panne avec un turbocompresseur. C'est une pièce d'usure. On peut pas être dans le moteur et dire au bout de 2 ou 3 mois que le turbo. Mais elle avait combien de kilomètres ? Parce qu'à la base, je ne saurais pas vous dire honnêtement. Alors on va lui demander, James, quand vous l'avez acheté, elle avait combien de kilomètres ? Elle avait 93 000 kilomètres. D'accord, c'est une Toyota, hein, c'est voilà, ça. Les problèmes sont kilométrés par rapport à la mise en circulation, toujours entretenue dans le réseau Toyota. Bon. Voilà, après la malchance qu'elle a eue, c'est un problème au niveau des injecteurs. Alors, James, c'est après maître de comment ? S'il vous plaît, Monsieur Courbet, juste rapidement, Julien. Pourquoi, Monsieur, vous ne vous êtes pas présenté à l'expertise contradictoire diligentée par un expert automobile qui permettait de s'expliquer l'un et l'autre? Cette expertise a été réalisée moyennant un délai de 21 jours. Il va vous le dire. James, si vous posez des questions, faut le laisser répondre, sinon on comprend rien. Alors pourquoi vous n'avez pas été à l'expertise, monsieur? Je viens d'être papa, tout simplement. Ah, d'accord, bon. Pas tous en même temps, James, ça ne sert à rien. Un mot, écoute. Lui, ce qu'il veut, monsieur, je vais être très clair, je vais donner la parole ensuite à l'avocat spécialisé dans l'automobile, Maître de Comont. Ce qu'il veut aujourd'hui, c'est le remboursement de cette voiture qui vraiment est impropre à la circulation. Est-ce qu'on peut organiser ça? Bien sûr, il n'y a aucun problème, mais c'est déjà en bonne voie et c'est déjà organisé. J'ai rendez-vous avec mon responsable garantie, Monsieur Ducarne, déjà mercredi prochain à 9h. Bon, donc est-ce qu'on peut, par exemple, se rappeler mercredi prochain ou jeudi prochain, une fois que vous l'aurez vu, pour que vous nous confirmiez que c'est en bonne voie? Maître de Comont. Bien sûr, monsieur. Oui, mais Julien, je ne veux pas accabler ce monsieur qui a l'air tout à fait disposé à solutionner rapidement et à l'amiable cette affaire et qui a l'air plein de bonne volonté, mais j'aurais quand même rappelé quelque chose. J'ai entendu un discours. On rachète ces véhicules par lot à des concessionnaires qui apparemment n'ont pas envie de les revendre eux-mêmes. Et puisqu'il y a un passé limpide, qu'il y a un très bon entretien dans le réseau, eh ben nous on fait une vidange et puis on la vend. Non, c'est pas quand possible. Quand c'est des véhicules qui sont, excusez-moi monsieur, quand c'est des véhicules qui sont trop kilométrés ou alors qui sont pas propres en termes de, ça part à l'export quoi. On va pas s'embêter à vendre des véhicules ici sur le. D'accord, je suis content pour ceux qui le récupèrent à l'export. Autant couillonner un Espagnol ou un Allemand. Je plaisante, monsieur. On peut faire un peu du goût. Mais en tout cas, respectez votre pays, Tom. Agréablement surpris, je vous suis depuis un moment. Mais c'est très gentil, et monsieur. Voilà, vous pouvez rassurer, monsieur Fokker, il n'y a aucun problème. Alors, on peut se dire que fin de semaine prochaine, il est remboursé, comme ça, on n'en parle plus. Il n'y a aucun problème. Est-ce que vous savez, vous vous rappelez où vous l'aviez acheté cette voiture ou pas? Ce véhicule, il vient de concession, bien sûr. Il vient de chez Toyota, bien sûr. Mais de quel Toyota? Parce que s'ils vous ont vendu une voiture dans cet état, ça mériterait aussi peut-être qu'on les appelle. Je veux pas. Si vous voulez, le marché de l'automobile est tellement. Non, le marché de l'automobile, si vous voulez, il est tellement compliqué. Ah. La chance qu'on a, nous, dans notre garage, c'est de travailler avec des concessions. Parce que c'est vrai que c'est. Bon, c'est vrai que. Comment dire? Il y a un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'il faut avoir la trésorerie. Que quand ils vous appellent et qu'il y a un lot à acheter. Il faut répondre tout de suite, sinon on change rapidement de marchand. Ouais. Et l'inconvénient, c'est que malheureusement, dans les lots, vous avez des fois des mauvaises surprises. On se dit que jeudi prochain, James, vous êtes sur l'antenne d'RTL et vous nous annoncez ce qui s'est passé, d'accord? S'il vous plaît, juste une chose, pour prouver quand même ma bonne foi, c'est que ce monsieur a reçu 4 lettres de mise en demeure et n'a jamais répondu. Et il faut que vous acceptiez de passer sur votre antenne, pour solutionner. Oui, mais enfin, James, ça on va pas rentrer dans ce débat-là. À quoi sert l'émission et tout, voilà. Dès le début, on était d'accord avec le remboursement. Voilà. Allez, jeudi prochain, nous on n'est pas là pour envenimer les choses. On est là pour que les choses se passent bien tranquillement, avec le sourire. Donc jeudi prochain, on s'appelle et on se dit que tout va bien entre James et Delattre Automobile, d'accord? Voilà. Allez, on fait ça. Merci. À jeudi prochain. Bon, on va récupérer donc l'appel. Voilà, James, il ne faut pas mettre d'huile sur le feu. Nous ne sommes pas là pour ça. Après, effectivement, quand j'ai demandé à ce monsieur quelle est la concession Toyota, alors là, c'est déjà beaucoup plus flou. On ne veut pas nous donner parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé en fait entre-temps au Maître de Comont. Oui, non, mais effectivement, moi, je suis encore une fois atterré parce que j'entends, même si tout se solutionne bien, je suis content. Mais on achète un lot. Et dedans il y a une voiture. Dedans il y a parfois un vilain canard. Bon, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si on fait une marge, si on fait un bénéfice, c'est parce qu'on fait une valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, c'est de prendre tous les véhicules du lot, de les vérifier. Donc, comme ça, on repère le vilain canard et on fait ce qu'il faut avant de leur vendre. Ce qui est énorme, c'est non, parce qu'il y a des voitures, elles sont dans un tel état, Monsieur Courbet, que on préfère les vendre à l'étranger. C'est énorme. On se retrouve donc. Tout va bien, James. Jeudi prochain, normalement. Merci. On rappelle et j'espère que M. Karim Benhamed, à Liévin, puisque c'est qu'il n'y ait pas de confusion avec d'autres Delattre Automobile, il est à Liévin, en route Delattre de Tassigny, va nous annoncer une bonne nouvelle. Si ce n'est pas le cas, jeudi, on se permettra de le rappeler. Auquel cas, on appellera Toyota pour connaître l'historique de cette voiture. RTL 11h-12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Un conseil pour rire? Avec plaisir. Le délire. Le délire? Oui, délire d'un monde à lire. Il faut le lire. Vous savez, il y a pire. Elle va venir? Oui, dans la bonne heure. À la bonne heure, c'est sur RTL. C'est à 11h. À tout à l'heure. Et si on parlait Renault Service? Bonjour, c'est Monsieur Richard. Le froid arrive. Dites, pour que votre voiture passe bien l'hiver, vous n'allez quand même pas lui tricoter une couverture? Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Non. La solution, c'est le bilan sécurité hiver chez Renault Service. Et c'est le moment, il est offert. Voyez, inutile de vous mettre au point de croix. En plus, si vous deviez changer votre batterie, Renault reprend l'ancienne, 15 euros. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les courses d'Anaïs qui changent, avec le nouveau programme de fidélité Auchan. Anaïs, pour te remercier de ta fidélité, Auchan en fait moins pour toi. Moins 10% sur la parapharmacie, les produits bio Auchan et les aliments bébés crédités sur ton compte Waouh. Moins 5% sur une sélection de produits alimentaires et animalerie Auchan. Et même jusqu'à moins 50% sur les produits signalés. Auchan. Montant crédité sur votre compte Waouh, voire modalité des offres et d'obtention de la carte en magasin et sur Auchan.fr. Ah, au fait, chérie, j'ai appelé le plombier pour la fuite. Tu sais, dans la cuisine. Quoi ? Mais enfin, c'est ridicule ! Je suis plombier ! Bah oui, mais t'es jamais là. Parce que les pros n'ont jamais de temps pour eux, Nissan leur facilite la vie avec une offre tout compris. Pendant le mois de l'utilitaire, profitez d'offres sans apport, avec garantie 5 ans, entretien et assistance inclus sur le pick-up Navara et toute la gamme utilitaire. Nissan, innover autrement. Jusqu'au 30 novembre, sauf ENV200 fourgon réservé aux professionnels, garantie constructeur 5 ans, 160 000 km, sauf ENV200. Entretien assistance 4 ans en crédit bail, détail Nissan.fr. Bon, t'es pour qui ce soir ? Juve, Manchester ? Bah, tu sais, j'ai vécu en Italie une semaine pour visiter la Toscane, donc je suis un peu pour Turin. D'un autre côté, j'adore le pudding, alors... Et Lyon-Offenheim ? Alors justement, figure-toi que je suis aussi un peu lyonnais par mon arrière-arrière-grand-père. Pas besoin de choisir. Juventus, Manchester United et Lyon-Offenheim, ce soir à 21h en multiplex et en exclusivité sur la chaîne RMC Sport. Abonnez-vous à partir de 9€ par mois sans engagement sur rmcsport.tv. Offre soumise à condition, 9€ par mois pour les abonnés mobile et box de SFR jusqu'au 19 novembre ou 19€ par mois en abonnement digital. Machine de verre et d'acier, elle débarque sur Terre pour sauver notre monde. Ses super pouvoirs, caméra de recul, démarrage sans clé, connectivité avancée, maniabilité optimale, optique LED. Découvrez les super pouvoirs de la nouvelle Skoda Fabia Clever à partir de 99€ par mois. Offre avec 1000€ de prime à la conversion et 3000€ de remise déduite jusqu'au 31 décembre 2018. Location longue durée à particulier, 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 1295€ sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur skoda.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Ah, apparemment, il y a une alerte. Oui, bon, on a compris, il y en avait une. De quoi s'agit-il, mon petit Hervé ? Déjà, Charlotte va nous expliquer sur quel cas nous sommes en train de travailler. Caroline reçoit 960€ de PV pour des impayés de stationnement. Elle se bat pour que l'administration reconnaisse qu'elle n'est pas responsable et annule ses contraventions. Qui est en ligne, s'il vous plaît, Hervé ? Qui a à voir un responsable ? Eh bien, écoutez, de la société SAGS, j'ai la directrice juridique qui souhaite vous parler. Ah, super. Oui. Bonjour, madame. Soyez la bienvenue sur l'antenne d'RTL. Nous avons cherché à vous joindre pour aider Caroline. Vous connaissez le problème ? Oui, bonjour. Bonjour, oui, madame, et merci de nous parler, c'est très gentil. De rien. Alors, comment peut-on l'aider ? Le cas de cette dame, on en a déjà eu des échos au sein de notre service de recours. Donc, on peut effectivement échanger ensemble pour que je puisse vous expliquer pourquoi on en est là aujourd'hui et quelle est la situation qui a fait que madame reçoit aujourd'hui des FPS pour lesquels elle est obligée de... Ce qui nous intéresse surtout, c'est comment elle peut se sortir de cette galère puisqu'elle est saisie sur son compte. Oui, alors... aujourd'hui, quand un FPS a été émis donc sur un véhicule qui n'était visiblement pas celui de Madame Muller, elle a reçu donc 3 mois après les majorations des FPS. Oui, quand pour contester ces majorations, Madame Muller peut saisir la commission du contentieux du stationnement payant, qui est une juridiction administrative en charge. Je me permets d'intervenir parce que Maître de Caumont, et c'est là où c'est quand même très injuste pour l'usager, Maître de Caumont. Oui, je rappelle, bonjour madame, je rappelle qu'elle peut saisir la commission en question par correspondance à Limoges, à 800 km, et après avoir payé. Donc elle doit c'est ça le problème. Une personne, madame, qui se retrouve, vous savez, qui est en situation précaire, elle fait comment ? Vous savez qu'il y a des gens qui vivent avec 800€ par mois. Comment fait-elle quand ça lui tombe dessus pour payer ? Qu'est-ce qu'on fait alors qu'on n'a rien fait ? Alors malheureusement, je ne vais pas vous être d'une grande aide parce que moi, je ne peux pas vous dire dans quelles conditions cette dame pourrait saisir la CCSP sans avoir à régler ses FPS. Néanmoins, depuis février, madame, je suis d'accord pour la première fois, mais là, elle vous a contacté. Vous avez contacté Caroline combien de fois ? Je les ai contactés régulièrement. Quand j'appelle, ils me connaissent tout de suite. Alors comment ça se fait qu'il ne se passe rien ? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse maintenant pour sortir de cette galère ? Alors nous, pour pouvoir annuler des FPS, donc des forfaits post-stationnement, il nous faut une décision juridique. On ne peut pas opérer une annulation en l'absence de décision. Si. Nous, on est en charge du contrôle. Alors, du stationnement. Maître de Combon, spécialiste automobile. Non, je vais quand même vous dire deux choses, madame. La première, déjà, c'est que le premier recours, il est fait auprès de vous. Et vous avez parfaitement la possibilité au niveau de ANMAS d'annuler, de classer sans suite, d'abandonner les poursuites. C'est uniquement si vous ne le faites pas qu'effectivement, vous avez raison, il faut saisir la commission à Limoges. Donc vous avez déjà une première possibilité de laisser tomber, à plus forte raison si vous êtes au courant du problème. Deuxièmement, j'ai du mal à imaginer qu'à l'ère de l'informatique reine, on ne soit pas en mesure de rentrer ce numéro litigieux dans un quelconque coordinateur pour dire que le jour ou après, passe pour le premier, mais pour les suivants, où il y a un FPS qui est dressé à ce numéro-là, on le sort de la chaîne. Je dis pas qu'on abandonne, je dis pas qu'on laisse passer quelqu'un qui serait en train de se moquer de vous, mais on le sort de la chaîne automatisée et on le traite manuellement, si j'ose dire, on le traite humainement. Et ça, c'est possible à bon, votre niveau, alors, si il suffit de le vouloir. Aujourd'hui, madame, à 10h35, que doit faire Caroline ? Alors moi aujourd'hui je peux pas vous dire comment Madame Muller peut s'en sortir sans régler ses FPS malheureusement. D'accord. Eh bien nous allons essayer de voir avec peut-être le maire qui nous aide. Oui Charlotte. Je voulais simplement vous signaler que Caroline a tenté de saisir la commission du contentieux et du stationnement payant. Évidemment il lui réclame le paiement des PV, mais on peut les appeler, on a un numéro de téléphone. Bon merci Madame en tout cas. Je ne vous en veux pas. Vous faites ce que vous êtes capable de faire, mais on est bien d'accord pour dire que c'est du grand n'importe quoi ce système, et j'ose espérer qu'en haut lieu, à un moment donné, on va cesser ce... Pour moi, j'ai l'impression que c'est une caméra cachée. Vous vous rendez compte des pauvres gens qui n'ont rien fait, qui se font saisir, qui stressent, et on leur dit, on ne peut rien faire, faut payer, il faut ensuite aller dans un tribunal et on verra bien ce qu'il dira. Mais enfin, c'est un truc de dingue. Enfin, quand on dit égalité, fraternité, excusez-moi, mais c'est un truc de dingue. Voilà. Mais bon, vous ne pouvez rien faire. Donc non, on ne peut rien faire. Après, peut-être que d'autres interlocuteurs pourront... Vous pouvez faire. Il suffit de connaître la loi, vous pouvez faire. D'arranger Madame Muller. Ouais. Vous pouvez. Allez, on va essayer d'avoir le maire quand même, parce que Monsieur Christian Dupessé qui laissait nous expliquer. Qu'est-ce qui se passe ? Merci madame de nous avoir parlé. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Moi j'ai compris quelque chose de cette conversation, c'est que cette commission de recours, elle ne sert à rien, puisque finalement le recours, elle dit qu'elle n'a aucun pouvoir, ce qui paraît extraordinaire. Ça veut dire quoi ? Qu'elle enregistre une réclamation, ce n'est qu'un bureau supplémentaire. Mais qu'elle le dise à ce moment-là. Mais ce n'est pas prévu comme ça. Eric a raison, elle a tout à fait le droit de classer sans suite. C'est terrible. Bon, alors qui essayons ? Peut-être que Hervé Pouchol, excusez-moi, je vais vous demander il est en train de continuer. Peut-être va-t-on appeler le ministre de l'Intérieur, je ne sais pas ce que vous en pensez. Okay, je vais appeler directement... Caroline, vous voulez intervenir ? Non, juste préciser quelque chose, c'est qu'à aucun moment, si cette société respectait un petit peu aussi les procédures, cette SAGS, je pourrais contester le PV. Oui. Mais je ne peux à aucun moment le contester puisque je ne reçois pas le PV format papier. Elle reçoit que la majoration. D'accord. Voilà. C'est trop tard pour contester. C'est trop tard. Sinon, ce serait beaucoup plus simple. Il faut vraiment que M. Christian Dupessé essaie de nous parler. Le maire d'ANMAS, c'est lui qui a donné la délégation à la société d'assistance et de gestion du stationnement pour qu'il sache comment ça se passe et dans quelle situation se retrouvent ces administrés parce que la société, malheureusement, n'a pas les moyens, ne veut pas, ne peut pas, je ne sais pas, faire quelque chose. On va essayer d'appeler carrément le ministère de l'Intérieur, mais j'espère vraiment que M. le maire, Christian Dupessé d'ANMAS, va pouvoir aider cette dame qui est dans une MERDE monstre, car je vous le rappelle, on lui prend l'argent sur son compte alors qu'elle n'a rien fait. Et vous remarquerez, Julien, que quand les municipalités délèguent, solution de facilité, bien entendu, délèguent ce genre de gestion du stationnement payant à des sociétés privées, ça va vachement mieux qu'avant. Hein. C'est formidable. Et surtout, c'est la possibilité qui est enlevée d'un recours auparavant quand on n'en était pas arrivé là, quand les députés n'avaient pas voté, les députés maires à l'époque. Hein. Réfléchissez bien à ce que je dis, députés maires, même si maintenant il n'y a plus de cumul. Quand les députés maires ont voté il y a 2 ou 3 ans, beau lapsus, ce système qui permet effectivement de mieux racketter les automobilistes et permettre de déléguer justement la gestion à des sociétés privées, eh bien, ils ont mis en place une espèce de machine kafkaïenne. Avant, quand on n'était pas d'accord, on contestait auprès du parquet, et si ça ne marchait pas, on allait devant un tribunal de police. C'était un juge indépendant qui statuait, un juge de chair et de sang. Vous alliez devant lui, vous vous expliquiez. Il y avait un dialogue possible et c'était à quelques centaines de mètres de votre domicile. Maintenant, c'est terminé. C'est la machine kafkaïenne qui vous broie et vous en avez une excellente illustration. On parlait de lapsus. J'ai interviewé récemment, vous le verrez prochainement à la télé, un ministre qui voulait parler des caisse de l'État concernant les PV, il a dit le casse de l'État. J'ai trouvé ça extraordinaire. On se retrouve dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Nous allons nous en sortir pour Angélie. Vous appelez Hervé Pouchol, le ministère de l'Intérieur. C'est fait. Et s'il le faut, ça sera l'ONU qui viendra. Ah, ça, je ne veux pas le contact. Casques bleus, vous connaissez bien quelqu'un. Vous avez dû forcément, à un moment donné, passer une soirée. C'est vrai. Avec une fille dont le cousin était casque bleu. A tout de suite sur RTL. Statistique. Des questions sur votre retraite? Un expert Médicis vous répond. Médicis, le spécialiste de la retraite complémentaire des indépendants et entrepreneurs. J'ai créé ma boîte il y a 5 ans et pas beaucoup de temps pour me préoccuper de ma retraite. J'ai vraiment besoin de conseils et d'être accompagné pour faire le bon choix. Par rapport à votre activité et votre manque de temps, le service doit être un critère de choix. Vous avez besoin d'un partenaire retraite reconnu pour sa disponibilité, sa réactivité et qui saura vous apporter un conseil personnalisé. Prenez rendez-vous avec un expert retraite Médicis au 0800 240 240. Service et appel gratuit. Médicis, élu service client de l'année 2019. RTL. On a tellement de choses à se dire. Conforama, le confort pour tous. Jusqu'au 11 novembre, profitez de 20€ offerts en bon d'achat par tranche de 100€ pour l'achat d'un PC, d'un téléphone, d'une tablette ou d'un accessoire. Ce sont les ultra connectés qui vont être contents. Mais aussi les fans de bons plans. Conforama, conditions et liste des magasins ouverts le 11 novembre sur Conforama.fr. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est la journée d'Alain qui change. Avec 70% en cagnotte sur le café carte noire pour l'achat d'un lot de 4 fois 250 grammes. Moins 70% sur ton café Alain. Toi qui te réveilles à 8h alors que tu commences à 8h. Allez Alain, debout! Vos magasins Auchan et Auchan Drive proposent 70% en cagnotte sur le café carte noire 4 x 250 grammes. Et votre journée change. Auchan. Montant crédité sur votre compte Wahoo, offre valable jusqu'à mardi, voire conditions en magasin. Renault Occasion, c'est aussi de l'électrique. On voulait vous faire écouter ceci. Ce silence vous est offert par Renault Zoé d'occasion. 100% électrique, silencieuse et accessible à partir de 59€ par mois, hors location de batterie. Et avec l'aide à l'installation de la prise de recharge, tout le monde va passer à l'électrique. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2018, conditions sur Renault.fr. Jusqu'au 22 novembre 2018, c'est l'opération Collect Box dans votre boutique Carré Blanc. Chaque kilo de linge de maison usagée que vous rapporterez se recycle en bon d'achat Carré Blanc de 10€. C'est gagnant pour la planète et pour votre budget. Carré Blanc, éditeur de linge de maison, révélateur d'inspiration. Voir conditions dans les boutiques participantes et sur carréblanc.com. Collect Box égale boîte de collecte. Intermarché vous propose d'écouter 3,78€. Jusqu'au 18 novembre chez Intermarché, le pack de 2 fois 500 ml de gel douche Sanex est à moins 40%, soit 3,78€. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 3,78€ le litre, modalité et magasin participant sur intermarché.com. Et si on parlait Renault Service ? Bonjour, c'est Monsieur Richard. Brrr, le froid arrive. Dites, pour que votre voiture passe bien l'hiver, vous n'allez quand même pas lui tricoter une couverture ? Une maille à l'endroit, une maille à l'envers ? Non, la solution, c'est le bilan sécurité hiver chez Renault Service. Et c'est le moment, il est offert. Voyez, inutile de vous mettre au point de croix. En plus, si vous deviez changer votre batterie, Renault reprend l'ancienne, 15€. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Il est 10h42, voici le point info sur RTL. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Et nous avons commencé par James. La voiture de sa fille est inutilisable, il y a eu une expertise, les anomalies sont confirmées, mais le vendeur ne souhaite pas prendre en charge les réparations. Bon, apparemment, malgré les bizarreries de ce dossier, ça devrait, je mets ça au conditionnel, se régler la semaine prochaine, Hervé. Oui, le gérant Karim Benahed de Delatre Automobile va régler le problème mercredi prochain. Nous en saurons donc plus jeudi prochain. Il y a toujours Caroline et l'administration. Elle reçoit 960€ de PV pour des impayés de stationnement. Elle se bat pour que l'administration reconnaisse qu'elle n'est pas responsable et annule les contraventions. Nous avons appelé absolument tout le monde, Céline. Oui, on a commencé par la société d'assistance et de gestion du stationnement. On a eu du mal à les joindre. Finalement, on a quand même eu quelqu'un. Puis on a aussi également appelé la mairie d'Annemasse. Et nous essayons d'avoir le maire Christian Dupessy, puisque là, la société d'assistance et de gestion du stationnement, grosso modo, nous dit « je ne peux rien faire ». Alors qu'elle est saisie, qu'elle n'a rien fait. Mais nous avons aussi lancé le ministère de l'Intérieur. On aura du nouveau d'ici 48 heures. Troisième cas à venir. Nous sommes revenus, donc donc sur un cas que nous avons traité hier et nous n'avons pas lancé les appels, dites-nous. Effectivement, Angélique est passée hier en 2010, elle fait construire sa maison. En 2016, allez, les plafonds sont envahis de taches et le constructeur ne fait rien. Et nous allons revenir sur le cas d'Angélique, la pauvre, elle patiente, mais voilà, elle sait aussi qu'on est bercé par les rebondissements du direct. Or, elle sera sur l'antenne d'RTL juste après avoir écouté ce petit chef-d'œuvre. C'est le film A Star Is Born qui, paraît-il, est un merveilleux. C'est Lady Gaga. Et Mini Cooper, la voiture qui chante. Et Bradley Cooper. Bradley, si beau Dieu, oh là là. In this modern world, or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy, aren't you tired trying to fill that void? L'un des titres de ce film fantastique Star is Born de Bradley Cooper, c'était Lady Gaga. Nous revenons donc sur un cas que nous avons traité hier. S'il vous plaît, Charlotte. Angélique voit ses plafonds se couvrir de taches noires 8 ans après la construction de sa maison. Elle attend que son constructeur réagisse. Nous avions eu la secrétaire. Elle devait laisser un message au gérant, Michel Charleux. Charlotte, où en est-on ? Eh bien, nous avons eu aussi hier Isabelle Charleux, qui est en fait l'épouse du gérant et qui devait nous rappeler dans l'après-midi. J'ai essayé plusieurs fois de la joindre, j'ai laissé un message, mais je n'ai eu aucun retour. C'est la dame qui était en voiture qui nous a dit « c'est pas moi qui m'en occupe, c'est mon mari ». Exactement. Bon, bah écoutez, alors on va continuer à essayer d'avoir ces gens-là. Donc, nous essayons d'avoir les maisons Noblesse CMI. Maisons Noblesse CMI, pour qu'il n'y ait pas de confusion avec d'autres maisons Noblesse CMI. Elle se trouverait 22 rue du Béarn, 54 500, à Vendeuvre-les-Nancy. Alors, vous essayez de faire sonner. Alors, Maître Fellonneau va parler, vous récupérez l'appel et vous commencez la conversation. Oui, dans cette affaire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'Angélique, elle est victime de ce qu'on appelle un dommage intermédiaire. C'est-à-dire que c'est effectivement un dommage, il y a une malfaçon, elle a des espèces d'ombres qui apparaissent à son plafond, mais ce n'est pas un dommage grave qui risque d'entraîner l'écroulement de la maison, qui les rend la maison, l'ouvrage, impossible propre à sa destination, comme le prévoit le code civil. Donc, c'est le code de la construction, plutôt. C'est ce qu'on appelle des choses qui sont mal faites. Là, c'est ce qu'on appelle la responsabilité contractuelle. C'est pas la responsabilité décennale, il n'y a pas d'assurance obligatoire. Ce qui fait que la décision que doit prendre le constructeur, c'est de payer. Et c'est pour ça que c'est un petit peu long. Mais aujourd'hui, il faut qu'il donne une réponse. Ouais, c'est plus que long, puisque maintenant, il ne nous rappelle plus. Donc, on interpelle vraiment Michel Charleux de Maison Noblesse CMI. Michel Charleux de Maison Noblesse CMI.

sens de toit du bien mitoyen. On a dû réactualiser un peu le Facebook, la page ça peut vous arriver. Vous trouverez donc des photos, un hangar qui avait l'air désaffecté. Le hangar est partagé en deux, elle prend la partie droite et elle va se faire un appartement dans cette partie droite. À gauche, il semblerait qu'on veuille faire la même chose, mais que ça traîne un peu. Du coup, à gauche, il n'y a plus de toit. À droite, elle a déjà un toit, elle a déjà des baies vitrées. Et donc, comme il n'y a pas de toit à gauche, eh bien, l'eau vient taper sur les murs et le mur de la partie droite de notre auditrice est imbibé d'eau. Complètement. Complètement. C'est un imbibé d'eau et donc malheureusement à long terme ça va faire de gros dégâts. Et puis elle peut pas faire ses travaux surtout. En plus, voilà. Nous avons appelé Anne-Sophie Criot pour essayer de voir comment elle pouvait au moins, c'est peu lui demander, mettre une bâche. Alors quelles sont les nouvelles c'est vous Céline qui êtes sur le coup? Oui, tout à fait. Alors ça a pas mal bougé hier, notamment parce que j'avais eu Anne-Sophie Criot, la voisine, qui m'expliquait qu'elle ne souhaitait rien faire parce qu'elle était en litige avec son maître d'œuvre et que tant que ce litige n'était pas abouti, elle ne souhaitait rien faire. En revanche, j'ai quand même appelé le maître d'œuvre. Il me confirme évidemment qu'il y a un souci entre eux. Lui était prêt à reprendre des travaux, finalement, elle ne veut plus. Bon, en tout cas, le problème devrait être réglé peut-être en justice. Pour ce qui est de notre auditrice, une bâche devrait être installée du côté de la maison de la voisine. Mais la voisine lui a envoyé un mail en disant « Moi, je ne veux pas installer cette bâche. Si votre mari veut en mettre une, c'est d'accord, mais moi, je ne veux pas l'installer. Bon. » Est-ce qu'elle doit signer? Alors, on va faire Magali, on interpelle encore une fois Madame Criot en lui disant « Madame Criot, en plus, c'est dans votre intérêt de vite faire quelque chose parce que tous les dégâts que Magali va faire constater par huissier, ça sera pour vous. Mais quel genre d'action elle devrait faire ?» Alors, moi, je saisirai tout de suite en référé le tribunal de grande instance pour lui demander effectivement la condamnation de cette voisine à installer cette bâche provisoire à ses frais et par qui elle voudra, parce qu'on ne va pas s'amuser à pénétrer sur la propriété d'autrui pour faire son boulot à sa place, quand même. Donc ça, je le ferai très rapidement, de façon à ce que cette astreinte soit décisive, parce que tous les jours que cette voisine ne fera rien, eh bien elle sera ensuite condamnée à payer une indemnité. Et puis Madame Criot, encore une fois, on n'est pas là pour vous embêter, mais votre voisine, la pauvre, elle est dans une situation catastrophique aussi, elle a deux crédits, et il faut vite qu'elle habite dans cette maison, puisqu'elle a cassé sa tirelire, elle ne peut pas, parce que vous ne voulez pas mettre cette bâche et parce que vous n'avez pas de toit, vous n'avez vous-même pas fait vos travaux. Allô. Donc ce n'est pas possible. Oui, je vous écoute Magali. Oui, bonjour tout le monde. Vas-y. Alors je voudrais juste spécifier qu'elle ne dit pas qu'elle ne veut pas. C'est plutôt, oui, elle veut que c'est votre mari qui pose la bâche. C'est plutôt engageant. Elle dit à mon conjoint, oui. Je suis d'accord pour que tu mettes la bâche. Oui. C'est ce qu'a dit bâche. Céline, oui, tout à fait. Alors, d'accord. C'est déjà une très belle avancée. On est très contents pour ça. Maintenant, je pense que le mieux, ça serait quand même que ce soit un professionnel, que mon conjoint n'est pas un professionnel du bâtiment. Votre conjoint, il n'a pas monté sur un toit, etc. Non, mais c'est pas chez lui. C'est pas chez lui. En plus, gentille, il arrive quelque chose, les assurances, etc. On dirait qu'il n'était pas chez lui. Qu'est-ce qu'il faisait sur le toit de la voisine? Non, il ne faut pas. Si c'est un professionnel, il faut que ce soit un professionnel mandaté par votre voisine. Si vous voulez accepter les frais, ça, c'est votre problème. Mais enfin, c'est elle qui doit tout faire. Allez, on continue, Magali. On demande à Madame Anne-Sophie Criot, préparez-vous quand même à un moment donné à aller voir un avocat, mais on n'en est pas encore là. Moi, je l'appelle gentiment à discuter avec nous, à prendre la parole, et je peux même le faire en musique, appeler Madame Criot et lui dire « J'ai Criot ! Criot ! Une bâche ! Pour qu'elle revienne !» Mais on verra bien si elle nous appelle demain. Nous allons mettre Felono, je vous en prie. Je n'aime pas ce rire narquois. J'ai l'impression que vous vous moquez de moi et ça me fait de la peine. Non, c'est pas son genre. Non, ça me fait de la peine. Le point rapido info, je voulais vous donner rendez-vous à Deauville où vous me verrez sur scène pour One Man Show, mais vous verrez surtout Hervé Pouchol dans la salle. Et croyez-moi, c'est un double effet, c'est un double spectacle. Vous avez la scène, vous me voyez, vous vous marrez, puis de temps en temps, vous tournez la tête et vous le voyez aussi. Et c'est encore des fois même plus drôle. Donc n'hésitez pas, c'est à Deauville au casino samedi soir. Très beau casino. Voilà, après on ira à Troyes le jour des grèves, donc ça va être super. Et puis on partira après au casino d'Anguin, on sera le 1er décembre. J'y serai aussi. Eh ben tant mieux, vous êtes partout, lâchez-moi un peu. Nous allons donc rappeler que James et sa voiture d'occasion, résolution normalement jeudi prochain. Caroline, on attend le ministère de l'Intérieur du nouveau demain. Et puis là, vous avez vu les deux retours de cas. Ça a bien bossé, vous savez tous que vous pourrez revenir demain, ouais, puisque je renouvelle pour une journée vos contrats. Je suis grand seigneur. Mais non, mais c'est normal. Ah, au fait, chérie, j'ai appelé le plombier pour la fuite. Tu sais, dans la cuisine. Quoi? Mais enfin, c'est ridicule. Je suis plombier. Bah oui, mais t'es jamais là. Parce que les pros n'ont jamais de temps pour eux, Nissan leur facilite la vie avec une offre tout compris. Pendant le mois de l'utilitaire, profitez d'offres sans apport, avec garantie 5 ans, entretien et assistance inclus sur le pick-up Navara et toute la gamme utilitaire.